Le Ressuscité par Horace Van Hoffel. Ils étaient quatre qui m'accablaient d'une grêle de balles, raconta Lazare. Je reçus quelque chose comme un coup de poing dans le dos et je tombais. Je tombais et, en tombant, je pensais « C'est la mort, ça sera vite fini. » Eh bien non, cela dura longtemps, très longtemps, tellement longtemps qu'à la fin j'eus l'impression de choir plus bas que la terre, beaucoup plus bas, dans les abîmes du néant. Soudain, je m'arrêtai. J'ouvris les yeux. J'étais dans un jardin. Devant moi s'étendait une pelouse bordée d'arbres immobiles comme des colonnes. Je sortis de mon avion pour reconnaître les lieux. En m'approchant des arbres, je m'aperçus qu'ils étaient remplis d'oiseaux. Il y en avait de toutes sortes, des paradisiers, des rossignols, des colibris, et d'autres plus bigarrés que des papillons des tropiques. Dans une allée voisine, je vis des paons qui faisaient la roue au soleil. Jamais je n'avais admiré des paons de cette espèce. La plupart étaient d'une seule couleur, jaune, vert, rose, indigo ou écarlate, et tous d'une beauté inimaginable. Alors je compris, et je murmurai. « Bon, je rêve, évidemment, je rêve. » Je fis un effort pour me réveiller, mais je ne me réveillais pas. Aussitôt mon cœur se serra d'angoisse. Un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, sortit d'un massif de fleurs. Il s'avança vers moi et il me dit « Il faut m'accompagner, on doit vous inscrire et vous donner vos effets. » Après un nouvel effort pour revenir à la vie réelle, je me résignai et je suivis l'inconnu. Il me mena dans un pavillon situé non loin d'une porte monumentale qui me parut être l'entrée du jardin. À l'intérieur de ce pavillon, il y avait un bureau où trois jeunes gens, vêtus comme mon guide, compulsaient des registres. « Voici un nouveau. » annonça mon introducteur. « Zut !» répliqua un des jeunes scribes qui avait des galons de sergent-major sur les manches. « Zut, ça n'en finit plus !» Il ouvrit un des registres, prit mon nom, mes prénoms, mon âge, les noms de mon père et de ma mère, et il me demanda si j'étais célibataire ou marié. Après, il ordonna à un de ses compagnons de me mener au magasin d'habillement. Au magasin, d'autres employés à figure de chérubin, mais peu aimables, me donnèrent mon équipement, à savoir une timbale d'or, un couvert idem, une tunique bleue, des sandales, une couronne de martyr, etc. Cela ressemblait assez comme cérémonie à une entrée à l'hôpital. Quel rêve enfantin, pensais-je. Mais comment se fait-il que je ne me réveille pas? D'ordinaire, on se réveille dès qu'on se rend compte que l'on rêve. Je regardai mon guide. Il me fit signe de marcher. Nous rentrâmes dans le jardin. N'y tenant plus, je le questionnai. Enfin, où suis-je? Au paradis. Ce n'est pas possible. Au paradis? D'ailleurs, ce ne serait pas aussi naïf. Non, je rêve ou je suis en train de mourir. Oh, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est la même chose? Vivre, rêver, dormir, mourir. Hein? Une cloche sonna. Une foule s'assembla devant une sorte de cantine où des anges distribuaient des gâteaux et des dragées. Vous voyez bien, m'écriai-je, que ce n'est pas vrai. S'il y a un paradis, il n'est pas possible qu'on y mange. Qu'en savez-vous? Tout le monde a le paradis qu'il mérite et qu'il a longtemps désiré. Ceux-ci, ce sont des pauvres qui n'ont jamais mangé à leur faim. Hein? Alors il doit y avoir beaucoup de poètes dans le tas. Mais moi, quelle sera ma joie? Tu verras la splendeur des splendeurs. Aussitôt éclata le chant des trompettes d'ébène. Devant mes yeux se leva une montagne de cristal qui grandit comme une aurore. Sur les gradins de cette montagne, mille et mille séraphins étaient assis ouvrant leurs ailes diaprées. Elles chantaient tous ensemble, en s'accompagnant du luth, de l'harpe et des cymbales. Au milieu d'eux se tenait notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est peint sur les tableaux d'église. Je courbai la tête. La vision s'abîma dans les ténèbres, et je me retrouvai seul au bord d'une source limpide. Je devins très las et très triste. Je m'assis sur l'herbe. En ce moment, elle passa. Elle était habillée à la manière d'une princesse de l'ancien temps. Elle avait de longs yeux arqués, un peu malicieux et mélancolique aussi. Je l'appelai. Elle vint s'asseoir à côté de moi. Je lui demandai. « Y a-t-il longtemps que vous êtes ici ?»« Je viens d'arriver. » »« Alors, oh alors, tenez-moi compagnie. Ne nous quittons plus. Il me semble qu'à nous deux, l'éternité sera moins longue. » Elle me donna sa main et elle sourit. Mais l'ange qui m'avait guidé réapparut. Il dit « Non, pas d'amour. » « Si vous voulez vous aimer, il faudra retourner sur la terre. »« Nous voulons !» répondîmes-nous ensemble. Alors j'ouvris les yeux, et je me vis dans un lit d'hôpital. Quelqu'un cria « Il est sauvé !» C'était elle, vêtue de la blanche robe des infirmières. « Voilà un rêve qui s'explique, » dit quelqu'un. « Pas comme vous le croyez, » répliqua Lazare. Car c'était la première fois que cette infirmière s'approchait de mon lit. Elle venait d'être très malade elle-même de la grippe espagnole. Ce qui fait que je ne saurais jamais si j'ai fait un beau songe ou si j'étais réellement mort. C'était Le Ressuscité par Horace von Hoffel.